Cours Legendre accompagne la scolarité de votre enfant à domicile et en visioconférence avec nos cours particuliers par des professeurs de l'éducation nationale, nos stages intensifs de révision et nos classes préparatoires aux écoles de commerce. Retrouvez-nous sur cours-legendre.fr. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Pour tout réalisateur, le choix des comédiens, ce qu'on appelle le casting, est un moment important de la préparation d'un film. Claude Chabrol, pour qui une part essentielle de la réussite d'une production se jouait là, accordait une attention toute particulière à ce moment. C'était vrai de la distribution des rôles principaux et des rôles secondaires, mais aussi de ceux plus modestement classés « figuration intelligente ». Comme Claude Chabrol le racontait en 1973 dans l'émission « Allegro » de Jean Chouquet, il n'est pas rare de croiser, durant ce genre d'audition, les personnages les plus étranges, pas forcément les plus talentueux, mais bien souvent, à leur corps défendant, les plus réjouissants. Des schpoons, en somme, pour lesquels Chabrol avouait un certain penchant en se souvenant de quelques-uns des bons ou étranges moments qu'il leur devait. Allegro, avec Claude Chabrol, extrait d'une émission de Jean Chouquet, diffusée la première fois le 5 mai 1973 sur France Culture. Dans la vie d'un cinéaste en général, et en particulier dans celle de Claude Chabrol, il y a des rencontres avec des gens bizarres, et notamment à l'occasion de la distribution d'un film. Il y a des bizarres. Il y en a un qui m'a foutu la trouille une fois. Il était... ça s'appelait Les Godelureaux, le film. Alors ça se passait dans un milieu un peu germano-pratin, un peu homosexuel, enfin des trucs comme ça. Et je voyais des jeunes comédiens, je vois arriver un type très maigre, enfin les yeux qui lui sortaient presque de la tête, comme ça, il roulait les yeux, comme ça. Il s'est assis très droit sur le bord de sa chaise, il a dit « Monsieur, il paraît que vous cherchez des homosexuels ». Alors je lui dis « Bah non, je cherche des comédiens pour... » Il dit « Bah enfin, je suis comédien, mais je suis aussi homosexuel ». Bah, « Parfait, très bien ». Comment vous appelez-vous, son nom et ça. Et quel genre de rôle voulez-vous jouer? Alors c'est là où il m'a foutu la trouille. Il m'a dit... Les étranges, les pervers, j'ai tous les vices. Je ne suis pas engagé. Que va-t-il se passer sur ça? Ah oui, il y a des choses bizarres. Alors, j'ai vécu le comble de l'horreur avec une mère et ses deux filles, jumelles. Parce que c'était un peu avant, c'était au moment des cousins. Alors, c'était pour des jeunes étudiantes en droit. Alors, cette bonne femme amène ses deux jumelles qui avaient 14 ans. Je dis, c'est pas possible, vous voyez, 14 ans, même si elles sont très, très brillantes et très douées, elles ne peuvent pas être en fac encore. Elle dit, oh mais monsieur, elles sont déjà formées, regardez comme elles sont déjà bien faites. Et alors, j'étais un peu gêné, elles avaient des manteaux, elles ont fait enlever les manteaux, effectivement, c'était deux jolies jeunes filles de 14 ans. Je dis, ben oui, mais elles sont très charmantes et très bien, mais 14 ans, c'est pas possible. Je dis, moi, vous savez, elles sont très, très en avance pour leur âge. Elle en me regardant comme ça. J'ai dit, bah écoutez, mais elles sont sans doute très âgées pour l'âge. Enfin, je n'en doute pas. Elles sont parfaites, très bien. Je les engagerai certainement un jour ou l'autre, mais là, pour ce film, c'est pas possible. Alors, la bonne femme insistait. Elle a fait un bout d'argument. Elle s'est penchée vers moi en me regardant dans les yeux d'une façon vraiment bizarre. Elle dit, et puis, monsieur, songez-y, elles sont deux. Ma position idéale, c'est d'avoir des gens dont je peux rire. Mais à qui en même temps je rends service parce que ça me donne une bonne conscience. C'est-à-dire que je trouve des schpoons, quoi. C'est le principe du schpoons de Pagnol. On trouve un schpoons, alors on l'aide en même temps, il vous fait rigoler. C'est une espèce de bouffon. Alors ça, j'en ai. Mais ils viennent à moi même. C'est-à-dire que sans que je les cherche, ils viennent. Ils doivent savoir que je les aime bien. Vous pouvez nous donner quelques échantillons? Oh oui. Il y a un échantillon. Enfin, il y en a un. Qui est superbe, qui est un garçon que j'avais... j'étais en train de tourner les cousins, c'est ça, je préparais les cousins. Et je recevais des comédiens, je n'en connaissais pas beaucoup encore, et on me donne un type qui venait de la part de Ralph Vallone. Alors il s'amène, il me dit voilà, je débarque d'Israël ce matin, je suis allé voir M. Rav Vallon qui n'a pas voulu me recevoir, alors je viens vous voir tout de suite. Je dis, ben, vous ne venez pas de sa part. Non, je ne viens pas de sa part, mais je viens de chez lui. Déjà quelque chose. Et comme il avait une drôle de tête, il se disait tragédien israélien. Je suis tragédien israélien. Et j'ai dit, bon, mais est-ce que vous savez jouer aux cartes? J'ai eu besoin d'un bridgeur. Il dit, oh monsieur, non seulement je sais jouer aux cartes, mais je sais les faire disparaître, je sais me pendre et je sais me couper en deux. Alors, intéressé quand même, il m'explique qu'il a pris des cours de magie en même temps qu'il... J'ai appris plus tard qu'il a... Enfin, je me suis aperçu plus tard qu'il savait tout. C'est-à-dire qu'il avait tout appris en Israël. Alors là, il avait pris des cours de magie. En tout cas, il en a pris avant le film et au moment où le film est arrivé. Alors, il devait sortir d'une boîte et faire briser des chaînes. Enfin, alors il commence à parler. Il sort de sa boîte. Il commence à parler. Et là, c'est la catastrophe. Il avait d'abord un trop fort accent. Et puis, qui était ridicule. Enfin, qui était... On avait l'impression que je voulais me moquer de lui, ce qui n'était pas le cas. Enfin, pas comme ça, en tout cas. Et j'étais très embêté. D'un seul coup, je me suis dit, mais est-ce que tu sais chanter, par hasard? Il dit, oui, en Israël, j'ai appris à chanter. J'ai dit, alors écoute, au lieu de dire ton texte, tu vas le chanter. Et il s'est mis à chanter son texte. Et c'était hallucinant, parce que c'était, je me souviens très bien, il sortait de la boîte et il disait, « Mesdames et messieurs, bonsoir, je vais d'abord briser les chaînes en vous certifiant que rien ne me résiste !» Parce qu'il avait de la voix. Et alors, bon, il fait son truc, on pleurait de rire, c'était hallucinant, il continuait de chanter, on disait, on coupait la prise, il continuait de chanter, on était obligé de l'arrêter, enfin c'était épouvantable. Et ça lui a donné le goût du chant. Et nous, moi, ça m'a donné le goût, j'étais pas le seul d'ailleurs, ça nous a donné le goût de l'utiliser. Comme ça. Alors, à partir de ce moment-là, c'est un carnaval épouvantable. On l'a fait chanter la tête en bas. Parce que on disait qu'il devait tourner dans un film italien où il faisait un chrétien qui descendait dans la fosse aux lions, mais plein de courage, il chantait encore en descendant dans la fosse aux lions. Mais comme il descendait la tête en bas, il fallait qu'on sache qu'il était capable. Il y avait Mario David qui était très balèze, qui prenait par les pieds et il chantait pendant 2 minutes la tête en bas. Alors ensuite, on lui disait, oui, mais c'est pas tout ça. L'enregistrement de la chanson sera fait par le back playback. Qu'est-ce que le back playback? Eh bien, c'est un playback, mais qui marche à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de chanter toi, tu vas chanter yot. Alors, c'est ce qu'il faisait, il chantait yot. Bon. Alors ensuite, on a dit, bon, ben ça va, tu as rempli les deux conditions nécessaires pour enregistrer cette œuvre. Alors, voilà la vérité, c'est un film très très important, c'est une version moderne des Frères Corse d'Alexandre Dumas, et tu vas jouer les deux rôles. Mais dans cette version moderne, il y a une caractéristique, c'est qu'un des deux frères est chauve et barbu, alors que l'autre est imberbe et chevelu. Et comme tu vas jouer les deux rôles, nous te conseillons de te raser la moitié du crâne en te laissant pousser la barbe, tandis que tu rases ta barbe de l'autre côté en te faisant onduler tes beaux cheveux noirs. Et il est allé chez le coiffeur, on l'a arrêté, qu'on n'a quand même pas poussé la plaisanterie jusqu'au bout, parce que ça aurait été cruel, mais il était chez le coiffeur, il s'apprêtait à voir cet étrange visage. Et on avait l'intention de... Parce qu'à la fin, comme il nous embêtait un peu, on avait trouvé un moyen de s'en débarrasser qui était extraordinaire. Il avait accepté, d'ailleurs. C'était de tourner un film dans lequel il allait à la... Enfin, c'était un faux film, bien entendu. On disait qu'il y avait des caméras partout, à la Chambre des députés. Et au moment où le Premier ministre, qui était à l'époque M. Debré, si mes souvenirs sont exacts, se levait pour dire son discours, lui entamait la Marseillaise, ce qu'il aurait fait immédiatement envoyer. Et puis en définitive, on l'a gardé. D'ailleurs, il s'est passé une chose formidable, parce qu'un jour, il m'a dit, je n'ai plus de permis de travail, j'ai des problèmes avec mon permis de travail. Et il avait fait la connaissance, de Daniel Darieux dans des conditions tout à fait. Il lui avait chanté un madrigal. Et j'ai dit, bon, ben, je vais essayer de voir si je peux, par Daniel Darieux, essayer de voir si elle connaît des gens, tout ça. Alors, elle n'était pas là. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai appelé le responsable. Et quand on a dit de la part de qui, j'ai dit de la part de Daniel Darieux. Et le type m'a dit, chère madame. Alors, je parlais comme ça, vraiment. Chère madame, je suis vraiment très honoré. Et, moi, je suis assez, j'ai pas changé, j'ai pas déguisé ma voix. J'ai dit, mais écoutez, voilà le problème qui se pose. J'ai un jeune protégé, monsieur machin, là, qui a besoin de... Mais madame, vous pensez que ce sera pour moi un plaisir, ça? Il m'a pris pour Daniel Darieux. Foufou, par son jupon, la femme. Foufou, de l'homme trouble l'âme. Foufou, certainement la femme séduit, surtout par son gentil foufou. La femme porte quelquefois la culotte dans son ménage. Le fait est constaté, je crois, dans les liens du mariage. Mais quand elle va pédalant en culotte comme un zouave, la chose me semble plus grave. Et je me dis en la voyant, foufou, foufou, par son jupon la femme. Foufou, foufou, de l'homme trouble l'âme. Foufou, foufou, certainement la femme séduit surtout par son gentil foufou. Là, c'était vraiment Daniel Darieux. C'était Allegro avec Claude Chabrol, extrait d'une émission de Jean Chouquet, diffusée la première fois le 5 mai 1973 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.